À l'intérieur de ce tunnel, situé hors agglomération, je peux circuler en feu de route? Réponse A. Feu de croisement? Réponse B. Feu de position seul? Réponse C.